Chapitre 336. L'interdiction à la femme de jeûner en la présence de son mari, sans son autorisation. 1750. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'est pas permis à une femme de jeûner, jeûne non obligatoire, sans l'autorisation de son mari s'il n'est pas en voyage. Elle ne doit en outre permettre à personne d'entrer chez lui sans son accord. » Al-Bukhari et Muslim.